Les Frustrés, adapté de Clabrotéché par Christelle Wurmser. Les Feux de la Nuit. Mais bien sûr, tu dois aller à cette soirée, ça va être dément. C'est une occasion de t'habiller pour une fois. Je suis ridicule quand je m'habille. Mais pas du tout, pourquoi tu dis ça? Et puis t'as pas besoin de t'habiller beaucoup, il suffit d'une petite touche. Tu mets juste un truc un peu brillant. Je peux te prêter quelque chose si tu trouves rien dans ton armoire. Tu veux? Il n'y a pas une seule portion de mon individu qui gagne à être brillante. Oh, t'es bête, voyons. Il faut oser s'amuser avec des vêtements qu'on n'a pas l'habitude de porter. C'est ça, la fête. C'est marrant. Les autres le font bien. Les autres sont belles et moi, je suis moche. Oh, tu déconnes. Viens dans ma chambre. On va regarder dans mes affaires. Tu vas voir. Je suis sûre qu'on peut trouver quelque chose. Mais viens. Comment trouves-tu cette veste? Elle est super bien coupée. Avec les strass, elle est jolie, non? Elle a un petit côté rock. Tu veux essayer? C'est ravissant. Je suis sûre que ça te va très bien. Sur moi, ça va être grotesque. Essaie! Tiens, allez, passe ton bras. Voilà. Alors, voyons. Ouais, évidemment. Mais bon, avec le pull marin en dessous, c'est pas le rêve. Hein. Enlève-moi ce pull. Je vais pas me balader à Walpé sous une veste. Ah, c'est juste pour voir, je te filerai un top à mettre en dessous. Alors, fais voir. Ouais. Relève un peu les poignets. D'accord. Mais bon, avec ce jean pourri, ça va pas. Attends, j'ai une idée. Enlève ton jean. Tiens, voilà. Essaie cette jupe. Elle va pas m'aller. Je vois pas pourquoi elle t'irait pas, on fait la même taille, c'est une chance. Tu n'en profites pas assez. Hein. Non, sur le côté, la fermeture éclair. Hein? La fermeture éclair se met sur le côté, pas derrière, sinon ça rebique. Eh ben, tu vois, c'est pas mal cette petite jupe toute simple en satin noir. Ça va très bien avec la veste. Qu'est-ce que t'en penses? J'en pense rien, y a pas de miroir. De toute façon, je préfère pas me regarder. Mais bon, les baskets et les chaussettes de sport, ça casse un peu le climat, évidemment. Faut des pompes un peu plus... Attends que je regarde. Qu'est-ce que j'ai là? Ah, regarde! Tu les aimes, celles-ci? Hein? Je vais pas montrer mes doigts de pied, c'est la honte. Bon. Et celles-ci? Elles sont fermées. Essaie-les, tu verras. Au pied, elles sont très jolies avec le talon vernis rouge. Je rentre pas dedans. Non, mais enlève tes chaussettes. Je déteste les pieds nus dans les pompes. Tu mettras des collants. Fais voir. Ah, ça prend tournure. Mais bon, la coiffure, faudrait l'étoffer. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont nuls, mes cheveux. Non, ils sont très jolis, tes petits cheveux blonds. Les cheveux de papa, ils sont nuls. Moi, j'ai pas hérité des tiens. Ma grand-mère ne sortait jamais sans un chapeau. Je suis pas ta grand-mère. Je sais, ma chérie. Attends. Ce que je veux dire, c'est que c'était pas idiot, hein. Mine de rien, elle faisait des économies de coiffeur. Le coiffeur qui peut m'arranger la tronche avec des cheveux pareils, il est pas né. Hein. Le mieux, ce sera de me raser le crâne. Et te mettre un anneau dans le nez pendant qu'on y est. Tu dis des conneries, hein. Tiens, essaie plutôt ça. Tu sais comment ça s'appelle, ce petit chapeau? Une bouse. Un bibi. Non, mais fais un effort, tu l'as mis n'importe comment, là. Attends, faut sortir la voilette. Voilà. Un peu plus sur le côté. De l'autre côté. Un peu en avant. Non. En arrière. Quoi, c'est ta mèche dessous pour voir? Mmh. Ouais, je sais pas. Attends, le problème c'est peut-être au niveau de la jupe. Hein. Je veux dire. Faudrait essayer avec un collant en satin. Un peu épais peut-être. Un collant en satin, mon cul. Je suis grotesque de nature. Un point c'est tout. Y'a rien qui me va. Je suis grosse, je suis mosse, je suis un boudin. Je l'ai toujours su. Attention, mon bibi! Mon bibi! J'en ai à la foutre de ton bébé. Mais ma chérie, tu te trompes. Tu n'es pas grotesque du tout. C'est simplement tu rentres les épaules, tu sors le ventre, tu traînes des pieds quand tu marches et t'as l'air de revenir l'enterrement de ta grand-mère. Là où je veux. Et ceux qui sont pas contents, je les emmerde. Ils n'ont qu'à aller voir chez leur mère si j'y suis. Moi, j'en ai rien à foutre de briller dans les salons. Calme-toi, ma chérie, calme-toi. Qu'est-ce que tu veux, un petit remontant? Hein? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Un petit whisky? On va se boire un petit coup toutes les deux, hein? Ça ira beaucoup mieux après. Oh là là là là là là là, c'est pas vrai. Une fois encore, j'aurais mieux fait de fermer ma gueule. C'est toujours la même chose, ça finit toujours en drame. Tiens. Il paraît qu'il y a un concert d'Olivier Messiaen sublime samedi à la cathédrale. Ça te dirait d'y aller? C'est dégueu le whisky. Les Frustrés, adapté de Clabrotéché par Christelle Wurmser. Les Feux de la Nuit, avec Isabelle Gélinas et Solène Bouton. Bruitage, Patrick Martinache. Prise de son, montage et mixage, Claude Niort, Manon Houssin. Assistante à la réalisation, Lise-Marie Barré. Réalisation, Christine Bernard-Sugy.